Chapitre 8e, le haut-commissaire des territoires nouveaux. Mafai, n'est-ce pas? Tu en es persuadé comme moi, c'est une armée efficace sur de Mafai, finissant en cul-de-sac. De sorte que toutes les forces irruptibles, immobilisées vers cette impasse, ont rencontré un terrain propice. De sorte que toutes ces forces, tu saisis, n'est-ce pas? Simon saisissait d'autant moins que le père Calcaire s'embrouillait dans son hypothèse et que lui, Simon, ne s'occupait que d'Isabelle, et n'écoutait guère que ce que lui disait la jeune fille. Ils se trouvaient tous les trois un peu en dehors des barricades, parmi les groupes de tentes autour desquels des soldats, vêtus de bourgerons et coiffés de leurs calots bleus, allaient, venaient et préparaient le repas. Isabelle avait déjà une figure plus apaisée et des yeux moins inquiets. Simon la contemplait avec une tendresse infinie. Au cours de la matinée, le brouillard enfin s'était dissipé. Pour la première fois, depuis le jour où ils avaient voyagé ensemble sur le pont de la Reine Marie, le soleil étincelait dans un ciel pur de tout nuage, et on eût dit que rien, entre ce jour-là et le jour actuel, ne les avait séparés. Tous les mauvais souvenirs s'effaçaient. La robe déchirée d'Isabelle, sa pâleur, ses poignets meurtris, n'évoquaient plus qu'une aventure déjà lointaine, puisque s'ouvrait devant eux l'avenir resplendissant. À l'intérieur des barricades, quelques soldats parcouraient la reine et rangeaient les cadavres, tandis que d'autres, plus loin, installés sur l'épave de la ville de Dunkerque, détachaient les silhouettes lugubres suspendues au gibet. Près du sous-marin, dans un espace clos et que de nombreuses sentinelles surveillaient, étaient parqués plusieurs douzaines de prisonniers auxquels venaient s'adjoindre à tout instant d'autres lots de captifs. « Évidemment, reprenait le père Calcaire, il reste beaucoup de points obscurs, mais je ne m'en irai pas avant d'avoir étudié toutes les causes du phénomène. Et moi, lui dit Simon en riant, « je voudrais bien savoir, mon maître, comment vous avez pu venir jusqu'ici. » C'était là une question peu intéressante pour le père Calcaire, et à laquelle il répondit vaguement « Est-ce que je sais? J'ai suivi un tas de braves gens. »« De braves pillards et de braves assassins. »« Ah, tu crois? Oui, peut-être. » »« Il m'a semblé quelquefois. Mais j'étais si absorbé. Tant d'observations à faire. »« D'ailleurs, je n'étais pas seul, du moins, le dernier jour. »« Ah, et avec qui? Avec Dolores. » Nous avons fait toute la dernière étape ensemble, et c'est elle qui m'a conduit ici. En vue des barricades, elle m'a quitté. Et puis, impossible d'entrer dans cette enceinte et d'examiner le phénomène de près. Aussitôt que j'avançais, pan, la mitrailleuse. Enfin, tout à coup, la foule a crevé la digue. Mais ce qui me tracasse maintenant, c'est que ces éruptions paraissent déjà diminuer d'intensité et qu'il faut qu'on en prévoie le terme dans un délai très proche. Il est vrai, d'autre part, mais Simon ne l'écoutait plus. Il apercevait dans l'arène le capitaine commandant le détachement avec lequel il n'avait pu le matin échanger que quelques mots. Cet officier s'étant mis aussitôt à la poursuite des fuyards. Simon conduisit Isabelle vers la tente qui lui était réservée et où Lord Beckfield se reposait. Il rejoignait le capitaine qui s'écria « Cela se déblaye, monsieur Dubosc. J'ai envoyé les escouades vers le nord et toutes les bandes de brigands tomberont entre mes mains ou entre les mains des troupes anglaises dont on me signale l'arrivée. » Mais quel sauvage! Et combien je suis heureux d'être arrivé à temps! Simon le remercia en son nom et au nom de Beckfield et de sa fille. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, répondit-il, mais l'étrange femme que je ne connais que sous le nom de Dolores et qui m'a amené ici. Le capitaine raconta qu'il opérait depuis 3 heures aux avancées de Boulogne où il tenait garnison. Quand il avait reçu du gouverneur militaire, récemment promu, un message lui enjoignant de s'enfoncer dans la direction de Hastings, de prendre possession du pays jusqu'à mi-route entre les anciennes côtes et de réprimer impitoyablement tous les excès. Or, ce matin, dit-il, alors que nous patrouillions à 3 ou 4 kilomètres de là, poussant devant nous un troupeau de maraudeurs, j'ai vu arriver cette femme au galop de son cheval. Rapidement, elle m'a mis au courant de ce qui se passait à l'intérieur de ces barricades qu'elle n'avait pu franchir, mais derrière lesquelles Simon Dubosc se trouvait en péril. Ayant réussi à capturer un cheval, elle était venue et me suppliait d'aller à votre secours. Vous comprenez avec quelle hâte, au nom de Simon Dubosc, j'ai marché dans le sens qu'elle m'indiquait. Et vous comprenez aussi pourquoi, la voyant à son tour en danger, je me suis jeté à la poursuite de l'homme qui l'emportait. Eh bien, mon capitaine, eh bien, elle est revenue fort tranquillement, toute seule, sur son cheval. Elle s'était débarrassée de l'Indien que mes hommes ont cueilli aux environs, assez endommagé par sa chute. Il se réclame de vous. Simon raconta brièvement le rôle qu'Antonio avait joué dans le drame. « Parfait !» s'écria l'officier. « Le mystère s'éclaircit. Quel mystère ? Oh, quelque chose qui est bien dans la note de toutes les horreurs commises !» Il entraîna Simon vers l'épave et lui fit descendre l'escalier du pont. Le large couloir était encombré de sacs et de paniers vides. Tout l'or avait disparu. Les portes des cabines occupées par Holston avaient été démolies. Mais devant la dernière de ces cabines, et un peu avant le réduit où Antonio avait enfermé Holston la veille au soir, Simon, à la lueur d'une lampe électrique allumée par l'officier, avisa le cadavre d'un homme pendu au plafond. Les genoux avaient été repliés et attachés pour que les pieds ne puissent toucher à terre. « Voilà, ce misérable Holston, dit le capitaine, il n'a évidemment que ce qu'il mérite. Mais tout de même, regardez bien. » Il envoya les rayons de la lampe sur le buste du supplicié. Le sang couvrait la figure méconnaissable, du sang figé, presque noir. La tête, penchée, offrait la plus hideuse des plaies, un crâne à vif, dont toute la peau, cuir et cheveux avaient été arrachés. « C'est Antonio qui a fait le coup, » prononça Simon, se souvenant du rire de l'Indien, lorsque lui et Simon avaient exprimé la crainte que les bandits ne finissent par retrouver et délivrer leur chef. « Selon la mot de ses aïeux, il a scalpé l'homme qu'il voulait châtier. Ne sommes-nous pas en pleine barbarie ?» Quelques minutes plus tard, en sortant de l'épave, ils aperçurent Antonio qui causait avec Dolores près de l'endroit où le sous-marin renforçait l'ancienne ligne de défense. Dolores tenait son cheval par la bride. L'Indien gesticulait et semblait fort agité. « Elle s'en va, » dit l'officier. « Je lui ai signé un sauf-conduit. » Simon traversa l'arène, s'approcha de la jeune femme. « Vous partez, Dolores ?»« Oui. Vers quel but ?»« Où mon cheval voudra. Et jusqu'où il pourra. »« Vous ne voulez pas attendre quelques minutes ?»« Non. » »« J'aurais désiré vous remercier. Miss Beckfield aussi. » Que Miss Beckfield soit heureuse. Elle se mit en selle. Vivement, Antonio saisit la bride, comme s'il était résolu à retenir Dolores, et se mit à parler d'une voix altérée en une langue que Simon ne comprenait pas. Elle ne fit pas un geste. Rien n'altérait son beau visage austère. Elle attendait, les yeux vers l'horizon, jusqu'à ce que l'Indien lassé abandonna la bride. Alors elle s'éloigna. Pas une fois son regard n'avait rencontré le regard de Simon. Elle s'en allait, mystérieuse et secrète jusqu'au bout. Certes, le refus de Simon, la conduite du jeune homme, au cours de la nuit passée dans la grotte, avait dû l'humilier profondément, et la meilleure preuve en était ce départ sans adieu. Mais d'un autre côté, quel prodige d'héroïsme tenace il lui avait fallu pour traverser seul la région sinistre et pour sauver en même temps que l'homme qu'il avait dédaigné, la femme que cet homme aimait par-dessus tout. Une main se posa sur l'épaule de Simon. « Vous, Isabelle ?» dit-il. « Oui, j'étais là un peu plus loin. J'ai assisté au départ de Dolores. » La jeune fille semblait hésiter. À la fin, elle murmura en l'observant avec attention. « Vous ne m'aviez pas dit qu'elle était belle à ce point, Simon ?» Il était un peu gêné. Il répliqua, ses yeux dans les yeux de la jeune fille. « C'est que je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire, Isabelle. » Vers 5 heures du soir, la liaison étant établie entre les troupes anglaises et françaises, il fut décidé que Lord Beckfield et sa fille feraient partie d'un convoi anglais qui regagnait Hastings et qui disposait d'une ambulance. Simon prit congé d'eux, après avoir demandé au vieux gentilhomme la permission de lui rendre une prochaine visite. Simon estimait que sa mission n'était pas terminée en ces jours de bouleversement, et de fait, avant même la fin de l'après-midi, un aéroplane atterrissait en vue du campement, et l'on demandait au capitaine d'envoyer des renforts immédiats. Un conflit semblant inévitable entre un détachement français et un détachement anglais qui, tous deux, avaient planté leur drapeau sur une crête d'où l'on découvrait tout le pays. Simon n'hésita pas un instant. Il prit place auprès des deux aviateurs. Il est inutile, n'est-ce pas, de retracer en ces détails le rôle qu'il joua dans cet incident qui put avoir des suites déplorables, la façon dont il se jeta entre les adversaires, ses supplications et ses menaces, et enfin, l'ordre de recul qu'il donna aux Français avec tant d'autorité et de force persuasive. Tout cela est de l'histoire. Il suffira de rappeler ces mots prononcés le surlendemain par le Premier ministre anglais à une séance des communes. Je tiens à remercier l'admirable Simon Dubosc. Sans lui, l'honneur de la Grande-Bretagne eût été souillé. Du sang français eût été versé par des mains anglaises. Simon Dubosc, l'homme merveilleux qui a franchi d'un bond l'ancienne Manche, a compris qu'il fallait user au moins pendant quelques heures d'un peu de patience envers une grande nation, habituée depuis tant de siècles à se sentir sous la protection de l'océan et qui tout à coup se voit désarmée, sans défense et sans rempart. N'oublions pas que le matin même, l'Allemagne, avec son impudeur habituelle, offrait son alliance à la France et lui proposait l'invasion immédiate de la Grande-Bretagne avec toutes les forces combinées des deux pays. « Delenda Britannia !» La réponse, Simon Dubosc l'a donnée, en accomplissant ce miracle, des Français qui reculent. Honorons Simon Dubosc. Le geste de Simon, la France le reconnaissait aussitôt en nommant le jeune homme haut-commissaire des nouveaux territoires français. Durant 4 jours encore, il se multiplia, partout présent, survolant le domaine conquis par lui, rétablissant l'ordre, imposant l'harmonie, la discipline et la sécurité. Pour chasser et traquer, toutes les bandes des ravageurs et des pillards furent réduites à merci. Des aéroplanes sillonnaient le ciel, des camions d'approvisionnement circulaient, assurant le transport des voyageurs. Le chaos s'organisait. Enfin un jour, Simon sonnait à la porte du château de Battle, près de Hastings. Là, également, le calme était revenu. Les domestiques avaient repris leur service. À peine quelques lézards de murailles, quelques crevasses au milieu des pelouses rappelaient-elles les heures épouvantables. Lord Beakfield, dont l'état de santé paraissait excellent, reçut Simon dans la bibliothèque et lui fit le même accueil cordial que sur les lignes de Brighton. « Eh bien, jeune homme, où en sommes-nous ? Au 20e jour après ma demande en mariage, dit Simon en riant, et comme vous m'avez donné 20 jours pour accomplir un certain nombre d'exploits, je viens vous demander à la date fixée si j'ai rempli, selon vous, les conditions arrêtées entre nous. » Lord Beakfield lui offrit un cigare et lui tendit la flamme de son briquet. Il n'y eut d'autre réponse. Les exploits de Simon, la délivrance de Lord Beakfield au moment où la mort le guettait, c'était là, évidemment, des choses intéressantes, qui méritaient la récompense d'un bon cigare et, par-dessus le marché, peut-être, la main de Miss Beakfield. Mais il ne fallait pas exiger en sus des remerciements, des éloges et des effusions à n'en plus finir. Lord Beakfield restait Lord Beakfield et Simon Dubosc un tout petit monsieur. Au revoir, jeune homme. Ah, à propos, j'ai fait classer le mariage que cet immonde Rolston avait imposé à Isabelle. Mariage non valable, certes, mais tout de même, j'ai fait le nécessaire. Miss Beakfield vous racontera cela. Vous la trouverez dans le parc. Elle n'était pas dans le parc. Prévenue, elle attendait Simon sur la terrasse. Il lui fit part de son entretien avec Lord Beakfield. « Oui, dit-elle, mon père se résigne. Il juge les preuves suffisantes. Et vous, Isabelle ? » Elle sourit. « Je n'ai pas le droit d'être plus difficile que mon père. Mais n'oublions pas qu'aux conditions posées par lui, il n'y en avait une que j'avais ajoutée, moi. »« Quelles conditions, Isabelle ? Vous ne vous souvenez pas ? Sur le pont de la Reine Marie ?»« Isabelle, vous doutez donc de moi ?» Elle lui saisit les deux mains et lui dit « Simon, je suis triste parfois. » En songeant que dans cette grande aventure, c'est une autre que moi qui fut votre compagne de danger, celle que vous avez défendue et qui vous protégea. » Il secoua la tête. « Non, Isabelle, je n'ai jamais eu qu'une compagne, vous, Isabelle, vous seule. Vous avez été mon seul but et ma seule pensée, mon seul espoir et ma seule volonté. » Elle dit, après un instant de réflexion, « J'ai beaucoup parlé d'elle en revenant de là-bas, avec Antonio. Savez-vous bien, Simon ?» que cette jeune femme n'est pas seulement très belle, mais qu'elle est capable de sentiments très nobles, très élevés. Son passé, je l'ignore. Il y a là, d'après Antonio, des heures assez troubles. Mais depuis, malgré le genre de vie qu'elle mène, malgré toutes les passions qu'elle inspire, elle demeure à l'écart. Vous seul l'avez émue vraiment, Simon. Pour vous, d'après ce que j'entrevois, d'après ce que m'a dit Antonio, lequel n'est somme toute qu'un amour éconduit et plein d'amertume, pour vous, Dolores se serait sacrifiée jusqu'à la mort, et cela dès le premier jour. Vous le saviez, Simon ? Il garda le silence. « Vous avez raison, dit-elle, vous ne pouvez pas répondre. Cependant, il est un point, Simon, où je vous demande la vérité absolue. Je puis vous regarder bien en face, n'est-ce pas ? Il n'y a pas au fond de votre être un seul souvenir qui nous sépare, pas une faiblesse, pas une défaillance de pensée ? » Il l'attira contre lui, et lèvre contre lèvre, il lui dit « Il y a vous, Isabelle, uniquement vous dans le passé et vous dans l'avenir. Je vous crois, Simon, prononça-t-elle. Un mois après, le mariage avait lieu et il prenait possession de l'épave de la ville de Dunkerque, demeure officielle du haut-commissaire français des nouveaux territoires. C'est là que fut signé sur la proposition et d'après les études préliminaires de Simon Dubosc, le projet du vaste canal qui devait couper l'isthme de Normandie en laissant, à droite et à gauche, aux deux pays, une portion de terrain à peu près égale. C'est là que fut signé l'acte solennel d'après lequel l'Angleterre et la France se déclaraient une éternelle amitié et fondaient les bases des États-Unis d'Europe. et c'est là que naquirent les quatre enfants de Simon et d'Isabelle. Bien souvent, par la suite, accompagné de sa femme, Simon, à cheval ou en aéroplane, alla rendre visite à son ami Edwards. Guéri de ses blessures, Edwards se mit au travail et dirigea, sur le nouveau rivage anglais, une vaste entreprise de pêcherie à laquelle il avait attaché Antonio. Edwards se maria. L'Indien vécut longtemps seul, dans l'attente de celle qui ne venait pas et dont personne n'entendait parler. Un jour, il reçut une lettre et s'en alla. Quelques mois après, il écrivait du Mexique et annonçait son mariage avec Dolores. Mais la promenade favorite d'Isabelle et de Simon les conduisait surtout auprès du vieux père calcaire. Il habitait, lui, contre la grotte de l'étang, une modeste villa en bois où il poursuivait ses études sur la terre nouvelle. Les cascades d'or, épuisées, ne l'intéressaient plus, et c'était du reste un problème élucidé. Mais quelle énigme indéchiffrable que cette construction attachait un terrain de l'époque éocène. Il y avait à cette époque des singes, affirmait le père calcaire, cela est hors de doute, mais des hommes, et des hommes capables de construire, d'orner leur demeure, de sculpter la pierre. Non, je l'avoue, c'est là un phénomène qui déroute toutes les idées. Qu'en dis-tu, Simon ? Simon ne pensait rien à ce propos. Une barque se balançait sur l'étang. Il y prenait place avec Isabelle et ramait nonchalamment, sans que jamais, de cette eau pure où elle s'était baignée par un soir voluptueux, surgit l'image de Dolores. Simon était l'homme d'une seule femme, et cette femme était celle qui l'avait conquise. Ainsi s'achève le formidable événement de Maurice Leblanc.